Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille et doux le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Que mesures-tu donc là, mon fils ? Je regarde ma petite Suzanne si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Inventif, impécunieux, intrigant, talentueux, provocateur, audacieux et un peu voyou. Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais est tout cela à la fois. Fils d'horloger, il améliore la mécanique des horloges. Courtisan, il devient serviteur du roi et prend une bonne place à la cour. Musicien, il est professeur de harpe des quatre filles du roi Louis XV. Intrigant, il est plus que tout, de mariage, de veuvage, des héritages qui font sa fortune, des procès aussi, et il perd tout. Agent secret, il conduit des missions en Amérique pour soutenir l'indépendance, fait du commerce d'armes et compte bien en profiter pour s'enrichir. Il édite également les œuvres complètes de Voltaire qui le fascinent. Et il achète aussi des papeteries pendant qu'il est chargé par Louis XV d'empêcher l'édition de pamphlets contre la du Barry à Londres. Bref, un aventurier génial. Le barbier de Séville, représenté au Théâtre français en 1775, suivi du mariage de Figaro en 1778, eurent une portée considérable. Figaro, le valet et son maître, le comte Almaviva, deviennent des personnages emblématiques qui, au-delà des intrigues amoureuses, portent une critique impitoyable contre l'aristocratie et les puissants. Une ironie et une audace qui, pour la première fois, épousent le point de vue des valets et non celui des maîtres. Aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets ? Dit Figaro au comte Almaviva. Censuré, le mariage de Figaro est un triomphe. Le retentissement politique de la critique, encore plus acerbe que le portrait dressé de l'aristocratie, prépare la Révolution française. Privilèges archaïques, juges corrompus, différences entre les classes d'âge et les générations, mariages arrangés, tels sont les travers de la noblesse. Figaro a tué la noblesse, dira Danton. L'œuvre est reprise à l'opéra par Mozart et Rossini plus tard, et au théâtre et au cinéma, et sera abondamment commentée. Piano, pianissimo, senza amor, tutti con me. Venite qua, venite qua. La ville ne parle que de votre dernière forfanterie. Vous m'avez convaincu qu'il vous fallait un nom, vous l'avez. Je me le suis offert, mamie. Mais grâce à moi et à mon héritage. Et votre argent, oui, j'en conviens. Du moins, celui de feu, votre époux. Qui puis-je, ma chère, si en ce siècle, pour réussir, il faut être bien né. Mais cet auteur, talentueux, est impertinent et tenace. Préoccupé par l'argent, il épouse la cause des auteurs contre les comédiens. Le théâtre, alors, participe au débat général sur la société, la politique, les mœurs. Et la circulation des idées, l'échange intellectuel, le rire, la satire préparent les esprits au changement et créent une richesse d'esprit exceptionnelle, mais laissent les bourses vides. La création de la Comédie française en 1680 avait rendu plus aigu le conflit des auteurs avec les comédiens. Les auteurs sont traités avec désinvolture. Leurs émoluments dépendent des faveurs des princes ou des liens que les actrices entretiennent avec le maréchal de Richelieu, notamment chargé de la police des spectacles, ou de tuteurs, plus ou moins bienveillants et puissants. Beaumarchais, après le succès du Barbier de Séville, réunit les états généraux de l'art dramatique en juillet 1777. Dans la déclaration du 17 août, tout y est. Volonté de gestion collective des droits, regroupant des auteurs dans le même corps, la société des auteurs est devenue réalité. Elle rend hommage à la langue française, crée le domaine public, organise la lecture et la réception des œuvres, l'obligation du répertoire. La loi Le Chapelier en 1791 consacrera le droit exclusif aux auteurs d'autoriser la reproduction de leurs œuvres pendant toute leur vie, puis aux héritiers pendant une durée de 5 ans. Balzac, en 1838, crée la Société des gens de lettres. Victor Hugo, en 1866, fait adopter la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques sur le plan international. Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits, disait Beaumarchais. un grand auteur, de grands écrits, et on lui doit la protection des auteurs.